Le 5 mai, Tokyo, Rental, c'est deux fois plus de ça. Réchi. Tokyo Mental, le vendredi 5 mai de 21h à 23h. Plus d'infos sur radio-pulsar.org/Tokyo Mental, en un seul mot, avec un E à la fin. Tokyo Mental. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Yeah! Salut! Bonsoir, Audionauts. Bienvenue, vagabond des fréquences modulées. Patati, patata, le truc habituel. En intro, Rick Astley, un truc de fou. Rick Astley, moi je déteste, et vraiment, c'est un truc, j'entends les trois premières notes, et ensuite ça tourne en boucle pendant trois jours dans ma tête, trois jours et même trois nuits. Et là, je sais pas, la remix fait par Camellia. Camellia, c'est un DJ producteur japonais qui officie beaucoup dans le jeu vidéo, et dont je passe les productions souvent à dans l'émission. Et ben, ça fait pas pareil, en plus c'est super puissant. Super puissant! Bon, j'avais plein de trucs à dire ce soir, comme d'habitude j'écris, et puis finalement, quand je suis devant le micro, je me dis, à quoi bon ? Ah si, on m'a fait un compliment cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un dans la vraie vie, quelqu'un qui écoute l'émission de façon occasionnelle, et qui n'aime pas tout dedans, mais qui aime certaines parties, notamment toute la partie breakée, manipulation, filtrée, enfin, les genres de trucs comme ça là. Que j'aime bien faire ça. Et lui, donc, il est un peu dans le mix et tout ça, il s'intéresse beaucoup à cette culture. Et il m'a dit, ton truc, C'est une esthétique entre Aphex Twin, pour l'aspect arythmique, breaké, hardcore aussi, et un peu ambiante, mixé avec Michael Bay. Ouais, Michael Bay, pour le côté chaos narratif. Et il se trouve que j'aime et Aphex Twin et Michael Bay, tout de suite. Donc l'esthétique de cette émission qui progressivement se révèle à elle-même, puisque c'est l'émission qui révèle son esthétique, et non moi qui cherche à lui donner un vernis, c'est ça, c'est une espèce de chaos entre Aphex Twin et Michael Bay, c'est cool. Un autre truc aussi. Cette semaine, j'écoutais Sonokino, comme toutes les semaines. Sonokino, vous savez, c'est l'émission qui mixe la bande-son des images qui bougent. On va leur mettre but. C'est mixé par Waldoka. C'est le mercredi soir de 23h à minuit, je crois. Oui, c'est ça, 23h à minuit. Comme moi, je l'écoute en podcast redifféré, je ne me rappelle jamais de l'heure. Et cette semaine, c'était donc un hommage à Ryuichi Sakamoto. Vous savez, Ryuichi Sakamoto est mort au mois de mars, fin mars dernier. J'en ai un peu parlé dans l'émission du 7 avril, je crois. Et là, c'est un... Donc, il a fait une espèce, comme il fait d'habitude, un mix des différentes œuvres d'un auteur. Et là, c'était sous un angle de composition de Ryuichi Sakamoto, que je ne connaissais pas, pour la publicité. C'est vachement intéressant. Donc, si ça vous intéresse vous aussi, si vous aimez Ryuichi Sakamoto... Bah écoutez le podcast de Sonokino de mercredi dernier. Bon allez, on va passer directement... On va arrêter ça. On va passer directement à l'émission. Comme d'habitude, vous savez, nous sommes les faiseurs de musique et nous sommes les rêveurs du rêve. Et le voyage, bah, il a déjà commencé. Le voyage vers, vous savez bien, vers Tokyo Mental. Tokyo Mental. Thank you. 신나게 끌린 듯이 바라보면 이곳 터치 터닥터닥 솔로미 카페 벽에 또 부딪히고 난 뒷걸음이 신경쓰여 왜 이러면 또 아직까지 한 번도 본 적 없는 듯한 움직임 깜짝 놀래 like you up in the morning I'm made of the night 여기저기 내 맘대로 나타났다 打ち止めされても今夜 was turning up the futures. You see those colorful connections for the colorless rhythm of my ears. Gucci, Gucci, what the hell? That noise is buzzing in my head. Messed up with emojis, say yeah, oh, oh, oh, yeah. Oh. Stop killing the groove. Stop killing the groove. Ring, ring, zing, now your virtual life is calling me. Selfish, don't show us who you really are. Lights, lights, lights, yeah, but how many people loving you? Oh, that noise sounds good, now she ain't that. して弁解したい後悔。 ラジオプルサ シャイだな夜は盛り返しらしい羽を休める戦士たち確かにどこでもない場所さここは昨日ならドアの外に置いてきたほら花のない奇跡が音に乗ってやってくる星空みたいな光の隅っこで銀河系みたいな輪になるカーニバル僕の目も回っているよ今なら世界は変えられるような僕が変えられるような気がしていた ていたの波間に沈んでくれる色の船で手を握って目をつむって泳げなくたって焦らないで海はないで時計は止まるいつだってね笑ってどんな場所でも構わないよもうどこに戻れないわさあ欲しい やつって自分じゃないみたい。何も知らないマジで。クラスでいたら端っこの席みんなキラキラ生活を楽しんでる。私よりもっと可愛くて歌える子がもうたくさんいるけど、やっぱり私がやりたいの。明日から元気出して走れるよ、バトン渡すよ。今の Bon alors, petite erreur, qu'est-ce que j'ai boutiqué? C'est n'importe quoi. Voilà, hop, on recale tout et on redémarre. Documental finit dans 5 minutes 30 et je vais être un peu court. Je ne suis pas certain que j'ai assez de morceaux pour finir l'émission. Un truc de fou. Allô ? On va quand même essayer. Documental est fini dans 5 minutes. Comme d'habitude, c'est passé super vite. En tout cas, si vous êtes resté jusque-là, ben merci. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter... Attendez, d'abord, il faut que je vous dise que le 5 mai, je vais y arriver, Il y aura un Tokyo Mental spécial, je le rappelle au cas où, je ne sais pas si je l'ai dit en début d'émission. 2 heures d'émission, de 21h à 23h, que du mix. En attendant, ben écoutez, passez une bonne soirée et puis passez une bonne nuit. Passez une bonne semaine, tapez sur les casseroles. A plus. Mental, c'est deux fois plus de ça. Pêching. Tokyo Mental, le vendredi 5 mai de 21h à 23h. Plus d'infos sur radio-pulsar.org/Tokyo Mental, en un seul mot, avec un E à la fin. Tokyo Mental.